Audiomatique. L'introduction de cette transmission 353 d'Audiomatique présentait la musique du groupe Dos Santos, de qui nous écoutions la pièce Acabamé tirée de leur premier et unique album Logos, publié en 2018. Le groupe annonce son deuxième album City of Mirrors à paraître cet automne. Et pour introduire la continuité d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi la formation Cannes. Never license for an automatic weapon. If you're over 21, not a felon or drug addict or mental incompetent. Our children's minds are poisoned with filth, and our judges are afraid to cast that filth into the fire of righteousness. Silence and indifference of the good people. Violent actions of the bad people. Silence and indifference. À Audiomatic, cette séquence se complétait sur la musique de la formation KMFDM et sa pièce « We Must Awaken » apparaissant sur l'album « Money » sorti en 1992. Avant KMFDM, c'était Cabaret Voltaire qui nous offrait sa composition « Digital Rasta » tirée de l'album « Microphonies » publié en 1984. Et pour amorcer la séquence, nous entendions la pièce « Smoke » de la formation Cannes, pièce qui est tirée de l'album « Flow Motion » paru en 1976. Et sans plus tarder, nous laissons la place à « The Black Dog ». Thank you. toujours à Audiomatique. C'était la musique de l'artiste japonais DJ Crush, ici accompagné par Hideo Sasaki pour créer 12,000, une composition apparaissant sur l'album Kakusei, sorti en 1999. Avant DJ Crush, c'était la chanteuse chilienne Camila Moreno et sa pièce Piedad se trouvant sur son album Mala Madre, paru en 2015. Et la séquence s'amorçait avec The Black Dog et la pièce Shade Head apparaissant sur l'album Peel Session. Audiomatix poursuit sans attendre sur la musique du groupe Faust. venons tout juste d'écouter la formation de Telescopes et une pièce tirée de leur album homonyme paru en 1992, soit la composition Ocean Drive. Avant de Telescopes, c'était la formation Sonic Youth avec Beauty Lies in the Eye paru sur l'album Sister en 1987. Et en début de séquence, nous avons entendu une courte pièce de Faust, soit Stretch Over All Times, qui se retrouve sur l'album intitulé Patchwork, sorti en 2002. La particularité de cette composition est qu'elle condense en 2 minutes et 15 secondes 30 ans d'histoire du groupe grâce à un collage de fragments de sons qu'ils ont utilisés à travers les années, avec des bribes de leur hit de 1972, It's a Rainy Day, Sunshine Girl. Il est maintenant temps de conclure la transmission 353 d'Audiomatique. Pour ce faire, nous entendrons la formation de Cure avec la pièce Forever, enregistrée en concert en 1981 et qui se retrouve sur le second CD de la version Deluxe de l'album Fate, version Deluxe qui est parue en 2005. L'album original est, quant à lui, paru en 1981. Les sonoristes animeront comme d'habitude la transmission d'Audiomatique en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM mercredi prochain dès 17h. Pour une écoute en différé, il ne suffit que de vous rendre sur nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-cfou où vous pourrez trouver les liens vers les transmissions passées. Voici donc pour terminer The Cure et la pièce Forever. C'était Audiomatique avec les sonoristes. good night.